Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Aujourd'hui encore, on va parler jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société, avec aujourd'hui une question qui, je crois, peut-être nous taraude depuis le début. Non mais vraiment, en tout cas, j'ai trollé plusieurs fois lors des podcasts sur ce sujet, donc je suis très content d'aborder le thème d'aujourd'hui, puisqu'il s'agira de la triche. Le jeu, on dit souvent que le jeu, c'est des règles qu'il faut suivre pour s'amuser. Et bien parfois, il y a des gens bien intentionnés, ou pas d'ailleurs, qui trichent ou qui en tout cas brise certaines règles ou en crée de nouvelles. On va voir justement peut-être s'il y a différentes manières de tricher, des bonnes ou des mauvaises, hein, c'est comme le bon ou le mauvais chasseur. Pour ça, je vais laisser peut-être Manuel nous présenter l'invité de ce jour. Alors si vous nous suivez depuis quelques temps, bonjour déjà, si vous nous suivez depuis quelques temps, vous avez probablement déjà entendu cet invité, puisqu'on l'a déjà reçu il y a fort fort longtemps dans Ludologie. C'est un expert jeux vidéo depuis bien longtemps. Les Rennais qui viennent de temps en temps au Sunfest ont eu l'occasion de le croiser, j'imagine, à plusieurs reprises, puisqu'il est intervenu sur de nombreuses tables rondes. Il s'agit de Mathieu Triclot. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, on a voulu t'inviter toi pour parler de la triche parce que pas qu'on pense que tu sois un grand tricheur devant l'éternel, quoi que on posera la question, mais en tout cas, t'as un regard qui prend beaucoup de recul, qui est très réflexif, et puis t'as une formation philosophique qui nous paraissait intéressante pour observer ce phénomène-là. Parce qu'effectivement, Adrien le nommait dans l'introduction, le jeu c'est suivre des règles, mais en même temps, est-ce qu'il existe des jeux auxquels personne ne triche ? C'est ta question ? Oui. Ouais. C'est une question. Ouais. Non, mais c'est la meilleure question du monde sur cette question, enfin, sur cette affaire de la triche. Parce qu'effectivement, on est en plein sur ce qui semble le paradoxe, quoi. Si on définit le jeu par les règles, et si on définit le fait de jouer par les règles, ce qui est l'orientation dominante dans une certaine ludologie, hein, qui nous dit que le jeu se définit par un ensemble de règles, alors à ce moment-là, effectivement, comment on comprend de l'autre côté cette universalité du phénomène de la triche et qui n'est pas nécessairement le contraire du jeu. Voilà. Alors, donc on est en plein, là, à mon avis, avec cette question de la triche, dans la partition traditionnelle, dans la partition entre deux regards possibles sur le jeu. C'est-à-dire, soit on regarde le jeu par les règles, c'est l'orientation game, soit on regarde le jeu par les manières de jouer, les manières de faire, parce que les joueurs en font, plus que par l'objet et ses règles. Ça, c'est l'orientation play. Et à mon avis, à ce moment-là, effectivement, on peut faire beaucoup plus facilement une place à la triche dans cette orientation-là, c'est-à-dire réintégrer la triche dans le jeu. Est-ce que la triche, ça fait partie du jeu, ou est-ce que la triche, c'est l'autre du jeu et l'extérieur du jeu, voilà. Si on est côté play, si on regarde les pratiques, effectivement, c'est ce sentiment d'universalité qui domine, quoi. Partout, il faudrait dire deux trucs. C'est à la fois partout de la triche et des tricheurs. Ça fait partie manifestement de l'expérience du jeu, et puis surtout des zones grises, parce que c'est ce que vous évoquiez aussi dans l'intro. Qu'est-ce qui est triche exactement, quoi ? Il semble qu'il y ait tellement de manières de s'accommoder avec les règles, de faire avec les règles. Donc c'est à mon avis le bon positionnement, quoi. Qu'est-ce qu'on fait si on définit le jeu par les règles? Comment est-ce qu'on se débrouille pour comprendre l'universalité du phénomène de la triche? Alors, pour bien comprendre ton propos, en tout cas pour que les auditeurs puissent le saisir, qu'est-ce que tu entends exactement par l'analyse, par le game et le play, pour un peu resituer la chose? Ouais, c'était quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement classique dans toutes les discussions autour des jeux, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a connu un revival dans les discussions autour des jeux vidéo, mais c'est quelque chose qui vient des discussions autour des jeux traditionnels. Une des manières de le présenter, c'est de dire qu'il y a une grande bagarre, et une grande bagarre théorique et une grande incompréhension autour de cette question-là, entre des gens qui estiment que... qu'est-ce que c'est qu'étudier les jeux ? C'est étudier des objets. Ça va être, je sais pas moi, le jeu de fléchettes, il faut une cible, il faut les fléchettes qui vont avec, et pour y jouer, il faut aussi un ensemble de règles qui sont les différentes variantes d'ailleurs possibles du jeu de fléchettes. Et donc étudier les jeux, ça va être étudier les objets jeux, à la fois avec leur matérialité, et puis les systèmes de règles qui vont avec. Et avec tout ça, ça c'est l'approche game, et c'est une approche qui a l'avantage d'être objective. Vous n'avez pas besoin de jouer forcément au jeu pour comprendre ce que ça fait que de jouer. Vous allez étudier des systèmes qui peuvent même être dans les versions les plus radicales de ces études des jeux comme games, des systèmes formels. C'est la définition de Yule, hein. Les jeux sont des systèmes formels basés sur des règles. On est quasiment du côté des mathématiques, ou en tout cas d'une forme d'analyse des structures de jeu, indépendamment de la manière dont on y joue ou dont on les consomme. Du côté play, on va être de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les manières de faire, la manière dont le jeu est consommé, dont il devient une expérience. On va regarder la manière dont les contextes modifient cette expérience, comment est-ce qu'un même jeu peut être joué différemment dans les contextes. Voilà, on va être sur le versant, disons, plus subjectif de l'expérience de jeu. Alors ça, c'est une bagarre traditionnelle du côté des études sur les jeux vidéo, hein, cette orientation game, cette orientation play, et on retrouve cette distinction entre game et play, dans les discours des années 60. Quelqu'un comme Jacques Henriot, qui est un des grands instigateurs des sciences du jeu et des études sur les jeux en France, est quelqu'un qui privilégie une approche par le play. Roger Caillois, qui est aussi un des grands noms des études sur les jeux, il cherche à comprendre les jeux à partir du play, c'est-à-dire à partir de ce qu'il appelle des impulsions ludiques, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de jouer. Donc on est du côté de ce que les joueurs font de leur jeu plutôt que d'une étude comme ça objective du jeu lui-même. Et ce débat-là a ressurgi du côté des études sur les jeux vidéo, parce que une partie dominante des game studies, ce qui s'appelle les game studies, les études académiques sur les jeux vidéo, avait cette orientation très très forte game, ce qui était logique parce que il y avait une affinité entre ce type d'études universitaires des jeux vidéo et la pratique des game designers. Si vous êtes game designer, vous vous intéressez à la fabrication des systèmes de jeux, et dans le jeu vidéo il y a énormément de game design. Il faut s'intéresser aux systèmes, aux règles, aux mécaniques, à comment on fait une courbe d'apprentissage et de progression. Enfin, tout ça, ce sont des éléments de l'ordre du game. N'empêche qu'on peut aussi aller voir ce que les joueurs en font. Et effectivement, ce que les joueurs font très souvent, c'est qu'ils font n'importe quoi. Ils font ce qui n'était pas attendu. Et dans ce n'importe quoi et dans ce qui n'était pas attendu, il y a la question de la triche. À mon avis, qu'on appréhende peut-être de manière plus facile quand on regarde les pratiques, quand on regarde le play, quand on voit ces pratiques de triche ou toutes ces zones grises d'arrangement avec les règles. Voilà, tu vois, la manière dont on peut positionner gameplay, j'espère que c'est plus clair comme ça. Mais là, c'est un grand, grand débat, hein, dans la manière d'étudier les jeux et de regarder les jeux. Ce qu'il faudrait dire aussi, ce qu'on pourrait dire aussi sur gameplay, c'est que là, on en parle à propos des jeux vidéo, mais au fond, ce partage-là, il existe dès que vous étudiez n'importe quelle forme culturelle. Du côté de la littérature, il y a des gens qui vont étudier les textes, les structures des textes, le fonctionnement du texte de manière comme ça indépendante, et puis il y a des gens qui vont dire le texte n'existe que parce qu'il y a un lecteur, que parce qu'il y a lecture, et il faut regarder ce que le lecteur fait du texte. Voilà, on a aussi réinventé la roue dans le cas des études sur les jeux vidéo ou les jeux en général, c'est en retrouvant cette dichotomie traditionnelle entre études des structures de l'objet et études des formes de réception. Après, il y a plein de croisement, puisque ce qu'on reçoit, c'est bien un objet avec ses structures. En même temps, j'imagine qu'il y a assez peu de lecteurs qui trichent avec leurs livres, quoique j'imagine que ce soit... On peut peut-être trouver des solutions. Pour rester du côté un peu définitionnel, comme ça on peut... C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut tricher avec la lecture? Évidemment, il n'y a pas de règle du jeu. Il y a des normes sociales de la lecture, et en particulier une norme qui nous dit qu'il faut tout lire, de la première ligne jusqu'à la dernière, qu'il faut aller regarder chaque mot et le sous-peser. Tu vois, cette norme de la lecture haute. Et on sait par ailleurs que la réalité des lectures est très très différente de ça, et que au fond le grand lecteur, c'est une formule de je sais pas si c'est de Picard, qui consiste à dire être un bon lecteur, c'est être capable de parler de livres qu'on n'a pas lus, quoi, ou qu'on a lus en diagonale, et voilà. Donc il y a aussi toute cette question de la variété des formes de lecture. Il me semble que Pennac a écrit un bouquin sur le sujet. Je voulais revenir à donc cette approche définitionnelle. On a parlé de game et play. Les auditeurs habitués effectivement avaient déjà une petite idée, mais c'est toujours bon de remettre les choses en place. Et puis justement, comme on va parler de la triche, c'est quoi ta définition à toi de la triche? Moi, j'ai Wikipédia sous la main là. On dit tromper au jeu par de petites manœuvres frauduleuses. C'est assez mignon comme définition. Elle est superbe, parce qu'il y a presque un truc. C'est assez curieux. Elle est belle, cette définition, parce qu'elle a... Il y a quelque chose de moral dans la définition des petites manœuvres frauduleuses. C'est à chaque fois, il y a un côté à la fois mignon et retors dans la définition de ces petites manœuvres. Du coup, j'entends dans le ton de cette définition à la fois une sorte de sympathie vis-à-vis de la triche. Ces petites manœuvres, ça peut être amusant, on sent les petites manœuvres, ça peut être une manière de prolonger le jeu. Et puis frauduleux quand même, attention, on peut rompre les règles. Qu'est-ce que c'est que la triche? Est-ce qu'il y a une définition universelle? Moi, j'ai l'impression que ce qu'on verrait très vite si on regardait des tricheurs, c'est la grande diversité des pratiques de triche. Ce qu'on peut appeler triche, c'est quand même des choses assez diverses. Ceci dit, j'ai l'impression que la triche, on ne peut la comprendre que par rapport au phénomène de la règle. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais sur la littérature. S'il n'y a pas règle, est-ce qu'il peut y avoir triche? Il peut y avoir des entorses, il peut y avoir des dérogations à la norme, mais ce n'est pas la même chose que la triche. Et du coup, en matière de jeu, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a des jeux dans lesquels on ne peut pas tricher? C'est-à-dire des jeux dans lesquels, effectivement, la triche ne fait pas forcément sens. Si je joue à la marchande, avec mes gamins, je peux voler un légume, hein, et faire des petites, comment ils disent, des petites entorses, je peux faire des petites manœuvres frauduleuses en piquant des légumes et en ne le payant pas au bon prix ou en ne rendant pas la monnaie, mais ça n'est pas de la triche, quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règles explicites définies, et au contraire, ce sera une occasion du jeu à ce moment-là. Ça sera quelque chose avec lequel on peut jouer, parce que si je pique un légume, je vais probablement le faire de telle sorte que ma fille s'en rende compte et que ça produise une interaction amusante, quoi, de l'ordre du jeu de rôle. Alors, il y a un cas triche, intéressant sur cette histoire d'être des jeux où on peut tricher ou pas tricher, qui pose question aux rôlistes, donc aux gens qui font des jeux de rôle depuis très longtemps, c'est que dès les premières occurrences quasiment de Donjons et Dragons, dans les règles sont inscrites très tôt. Si certaines règles ne vous conviennent pas en cours de partie, vous pouvez les ignorer ou les modifier. Est-ce que c'est déjà la prémisse d'une triche légale? Si certaines règles ne vous conviennent pas en cours de partie, vous pouvez les ignorer ou les modifier. Moi, en tout cas, ça correspond à ma pratique ancienne, très ancienne, adolescente de rôliste, qui était une pratique d'improvisation, et dans lesquelles on jouait effectivement avec cette norme du jeu de rôle qui est laisser libre cours à votre imagination. Et c'est vrai que le jeu de rôle est intéressant parce qu'il y a, j'ai envie de dire, toujours eu deux tendances, quoi, possibles dans le jeu de rôle. La tendance papier quadrillé, calcul des aires d'effet des sorts, et qui est la tendance de la régulation. On va du côté du loup-douce, si on était chez Kaiwa, du jeu réglé. Et à ce moment-là, on pourrait se fâcher sur une triche dans cette zone-là. Et puis, de l'autre côté, une tendance théâtrale, quoi. Laissez libre cours à votre imagination, et à ce moment-là, on peut modifier les règles à la volée, parce que ce qui compte, c'est de produire une interaction satisfaisante et riche en groupe. Alors, je vais reprendre la balle au bon. puisque ouais, tu as eu cette phrase, ouais, c'est produire de l'interaction. Donc je peux tricher, mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, je peux a priori tricher, mais c'est pas grave. C'est du jeu, donc en fait, c'est pas de la triche, parce que ça produit de l'interaction. Du coup, la question, c'est est-ce que la triche, en fait, c'est quelque chose qui ne produit pas d'interaction, qui n'est qu'un profit égoïste dans un système de jeu ? Est-ce que ce serait ça, peut-être, pour tenter de définir cette triche ? Et oui, on en revient à vos bons et aux mauvais chasseurs de tout à l'heure. Un peu, ouais. Est-ce qu'il y a bonne et mauvaise triche? Moi, j'ai l'impression que oui. C'est-à-dire que, et ça, c'est des choses qu'on, encore une fois, en réfléchissant dans ce qu'on a du côté de la tradition du play, c'est quelque chose qu'on verrait caractérisé. C'est-à-dire, je pense à la notion qu'on a chez Kaiwa de corruption des jeux, de corruption du jeu. C'est-à-dire la possibilité que les jeux deviennent injouables ou perdent tout intérêt. Et vous savez, Kaiwa définit les jeux avec toute une série de critères, mais qui sont toujours des critères liés à cette histoire de corruption. C'est-à-dire que le jeu doit être libre, ça veut dire que s'il m'est imposé, c'est plus du jeu. Le jeu doit être incertain, je ne vais pas les faire tous, hein, mais s'il m'est imposé, à ce moment-là, ça n'est plus du jeu. Le jeu doit être fictif parce que si ça a des conséquences directes dans la vie réelle, si je vis et je meurs selon ce que je fais dans le jeu, à ce moment-là, ça n'est plus du jeu. C'est-à-dire que l'attitude ludique ne peut plus se déployer, on ne peut plus être dans cette espèce de faire semblant, faire comme si. Donc du côté de la triche, moi je vois deux polarités. C'est-à-dire que d'un côté, une triche qui est un intensificateur de jeu. C'est-à-dire que dans cette ludicité là, dans cette ludicité partagée, dans cet état partagé de jeu, on va aller jouer avec les limites, se titiller. C'est cette triche de titillatio avec les limites du jeu. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement une autre forme de triche, c'est-à-dire qui détruit le jeu même au sens non seulement de game, on respecte pas les règles, mais qui détruit les jeux au sens du play. Si par exemple il n'y a plus d'incertitude de la partie, si la partie est décidée dès le départ parce que l'une des forces en présence gagne l'ensemble des interactions par exemple, à ce moment-là ce n'est plus du jeu et le jeu devient injouable. Donc voilà, il y a une manière et ça c'est manifestement quelque chose qui ressemble à un continuum, c'est-à-dire que plus on va titiller, plus on peut aller vers le fait de rendre le jeu injouable. Et donc, je ne sais pas, si je réfléchis aux pratiques de triche, quand je joue à Dark Souls, j'y joue avec un walkthrough ouvert. Est-ce que je triche ? J'exploite des bugs de l'IA dans Dark Souls, est-ce que je suis on en discutait hier sur Twitter, est-ce que je suis en train de tricher ou est-ce que c'est mon style de jeu de lâche et de fourbe que je peux revendiquer en tant que tel? Qu'est-ce que c'est que ces cheat codes qui sont partout dans les jeux vidéo et qui circulent partout? Voilà. On a tout le temps à faire avec cette zone grise, ouais, cette zone grise de la triche, ouais. Ben oui, parce qu'effectivement, dans les zones grises, on a notamment les cheat codes, à savoir des codes dont le nom même indique qu'il s'agit de tricher, mais qui en même temps ont été inclus dans le jeu. J'avoue que c'est quoi ? C'est des règles alternatives cachées. J'ai du mal à saisir le... Au-delà de l'acceptation de la pratique des joueurs, j'ai du mal à saisir. Est-ce que c'est vraiment de la triche si ça a été prévu par les programmeurs ? Ah ouais, c'est une belle manière de le voir, cette idée de règles alternatives cachées, parce qu'effectivement, à ce moment-là, ça met le cheat code dans une sorte de proximité, par exemple, avec le réglage des niveaux de difficulté, qui sont une régulation alternative à l'intérieur des jeux. Si je joue, alors Dark Souls, ça ne marche pas, mais je ne sais pas quel jeu en facile ou en ultra facile, est-ce que ce n'est pas la même chose que d'utiliser un cheat code qui, par exemple, augmenterait mes dégâts et diminuerait ceux des adversaires? Manifestement, on est dans la même chose. Quand je pense cheat code, moi, je pense beaucoup à des jeux qui vont être détournés de leur usage. Ce que j'ai beaucoup vu comme cheat, c'est du côté des Sims. Parce que c'est une manière de fabriquer un autre jeu. Effectivement, là, on est dans le cheat code qui est quasiment... est-ce que c'est pas de la triche? Parce qu'en fait, on joue à un jeu autre. Et donc, je vais me donner des richesses infinies. C'est-à-dire que je transforme les Sims en quoi? En une sorte de pré-Minecraft ou de proto-Minecraft, c'est-à-dire dans un builder, je vais construire la plus belle maison de poupée possible et rien n'affiche de la régulation du jeu. Enfin, ça se rapproche vachement des différents modes de jeu finalement, comme on les a dans Minecraft. Ce qui pose la question en fait des jeux de construction, où là les règles elles sont quand même pas très facile à saisir ou à expliciter. Est-ce que c'est possible de tricher dans Minecraft? Même moi, j'avoue que je sais pas. Hein. Ou tricher au Lego, bon courage. Ouais, il y a cet aspect dans la partie de construction de triche légale, mais parce que les règles ont changé. C'est-à-dire quand j'ai accès à l'ensemble des ressources, à l'ensemble des blocs de matériaux dès le départ, si je suis le joueur qui fait tout en survival, je peux considérer ça comme une pratique de triche, mais manifestement on est passé à ce moment-là à une autre forme de jeu. Et effectivement, les jeux de construction, c'est vachement intéressant parce que chez Kaiwa, les jeux de construction, ça correspond à une forme de jeux de mimesis, de fabrication de fiction et d'univers fictionnel qui sont relativement peu réglés. C'est-à-dire que c'est une espèce de cas limite, voilà, et qu'on va retrouver dans les jeux vidéo qui vont réinvestir cette zone-là de l'expérience de jeu. Ouais. Et c'est peut-être un des moments où les jeux vidéo effectivement laissent tomber ce qu'ils ont d'un peu lourdingue hein, en permanence, c'est-à-dire ce primat accordé à la règle, cette inscription de la règle en machine qui fait que effectivement il faut respecter la règle à fond, parce que après tout un des trucs qu'on prêtait aux jeux vidéo au point de départ, c'est l'impossibilité de tricher, c'est-à-dire que la régulation étant assurée par une machine, il n'y aurait pas de possibilité de triche quoi. Et manifestement on s'est trompé parce qu'elle revient partout et tout le temps. Un des exemples formidables de ce rapport à la triche entre jeux vidéo et jeux traditionnels, c'est les jeux de foot, quoi. Dans lesquels, les premiers jeux de foot, on peut pas tricher. On peut pas tricher parce que, en tout cas, il y a pas d'arbitre, et savoir si le ballon est rentré ou s'il y a eu but ou pas but, l'ordinateur le décide sans aucune ambiguïté. Et puis, qu'est-ce que ça a été l'évolution des jeux de foot? Une des grandes évolutions des jeux de foot, c'est réintroduire l'arbitrage. C'est-à-dire réintroduire la possibilité de mauvaises décisions et d'une sorte d'entorse aux règles, et on n'est pas sûr finalement qu'il y avait hors-jeu ou pas hors-jeu, alors que l'ordinateur peut le mesurer de manière pure et parfaite, quoi. C'est marrant parce que voilà une forme de jeu qui pouvait exclure radicalement l'incertitude, la triche, le débat sur les décisions arbitrales, et pouf, qu'est-ce qu'on a trouvé de mieux à faire? C'est les réintroduire, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de s'engueuler sur une décision d'arbitre. Et en même temps, tu dis l'ordinateur... peut pas tricher, ça revient, mais il y avait une idée de la pureté. Je ne crois pas connaître un joueur qui n'ait jamais dit « Oui, non, mais là, l'ordinateur, il triche. » Il y a quand même un truc. Comment ça se fait que, quand je joue à Mario Kart, si je suis dernier, ils avancent tous assez tranquillement, et si je suis premier, ils avancent vraiment très vite. Alors même que je joue pas du tout au même niveau, il y a autre chose qui joue au niveau de la machine dans l'adaptation au joueur. Il y a quasiment quelque chose de l'ordre de la triche, ou en tout cas qui pourrait être considéré comme tel. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une discussion éternelle sur les IA et les avantages indus qu'on leur donne par rapport à un joueur humain. Et on retrouve cette dimension de village Potemkin hein, des jeux vidéo. Enfin, ce sont des belles façades qui sont faites pour que l'on croie à ce qui s'y passe, que l'on suspende son incrédulité, comme on dit en études littéraires, et qu'on veuille bien croire que le système fonctionne de manière pertinente. Mais effectivement, si on gratte, en particulier sur le comportement des intelligences artificielles, la façade tombe très vite. Ouais. C'est vrai aussi pour les ressources. Je pense à certains RTS où on voit bien que ouais, quand on commence ouais. le scénario, si on joue en multiplayer, tout le monde commence avec les mêmes ressources. Si on joue contre une machine, c'est pas tout à fait égalisé. Absolument, ouais. je pensais à Civilization, hein, des vieilles discussions comme ça de joueurs sur Civilization. Et c'est vrai qu'une bonne partie de la maîtrise de ces jeux, c'est d'intégrer ces systèmes-là, y compris avec la possibilité justement de les exploiter dans un sens favorable. Ouais. À ce moment-là, on se rapproche aussi d'une zone d'expérience qui va être ces zones d'expérience expertes, quoi. Est-ce que le speedrun, par exemple, c'est de la triche ? Est-ce qu'il faut tricher pour le speedrun ? En un sens, à la fois, on respecte parfaitement le jeu et en même temps, on va aller utiliser tout ce qui est possible à l'intérieur du jeu, y compris des exploits, y compris des glitches, tout ce qu'on peut descendre au niveau, pour le coup, du code, quoi. C'est le code qui devient, le code source qui devient la règle du jeu, parce que c'est ce avec quoi on va jouer dans ces expériences-là. Et ça suppose effectivement de comprendre comment ça marche dans le détail, dans le comportement des entités programmées, quoi. Oui, enfin, ouais, sans parler du tool assisted speedrun, où là carrément c'est on a une machine qui peut reproduire à la seconde ou la demi-seconde près des inputs que pourrait faire un être humain. Il y a une autre situation où la triche devient cruciale, c'est dans les jeux dits compétitifs, voire même dans les compétitions de jeux. On a parlé, par exemple, de triche dans de nombreux jeux de tir. On a parlé de la triche dans le foot, et c'est intéressant parce que maintenant, on remarque que la triche se développe. Il y a un vrai business de la triche. Est-ce que la compétition, et notamment les enjeux monétaires, puisque Manuel me fait signe des billets, est-ce que ça ne vient pas peut-être accentuer la triche ? Il y a une triche qui est tolérable quand il n'y a pas l'enjeu peut-être de compétition et... Oui, si on ajoute les enjeux monétaires, effectivement, dans une perspective play, on rajoute une incitation à la corruption du jeu. C'est-à-dire, si je tiens à gagner et si en plus je suis payé pour ça, à ce moment-là, j'ai intérêt à réduire l'incertitude du jeu et réduire les propriétés ludiques qui sont propres au jeu. C'est-à-dire que le jeu devient autre chose, devient une entreprise, je ne sais pas moi, de raisonner, pour triompher, pour gagner, le jeu devient autre chose que du jeu, il devient une sorte de travail ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vachement intéressant parce que avec les pratiques compétitives, on voit se transformer la pratique. C'est-à-dire que c'est des vieux trucs, mais sur les jeux de tir, on voyait ces joueurs qui enlevaient progressivement un maximum de textures ou remplaçaient les textures d'origine du jeu pour y voir plus clair. Bon, ça c'était admis, mais ensuite qu'est-ce qui se passe si on utilise des wallhacks, c'est-à-dire si on peut voir à travers les murs, ce qui est toujours une modification des systèmes de texture, et ainsi de suite. Oui, il me semble que du côté du jeu devenu compétitif, il y a une incitation à la triche. Après, pour le foot, je ne sais pas si c'est vraiment si la triche est simplement liée à la compétition. C'est-à-dire qu'il me semble qu'un des intérêts du foot, c'est justement aussi de manière normale, c'est-à-dire même même de manière amateur, même si on se retrouvait sur un terrain, eh bien je pense que le petit coup par derrière, le tacle trop appuyé, toutes ces vacheries susurrées à l'oreille sur un corner, ça fait partie de l'ambiance de ce jeu-là aussi. Donc je ne sais pas si c'est exactement la même chose. C'est pas la même chose, il me semble, ça, cette dimension de ruse dans le jeu, qui est fondamental dans le foot. En tout cas, si on aime un foot qui n'est pas juste un football d'esthète et de dribbleurs, si on aime le football des cogneurs et des salopards, ce qui est mon cas, mais je supporte Sochaux, donc une équipe de Ligue 2, donc je sais ce que c'est que le foot dégueulasse, et j'ai appris à apprécier une partie de ça. Mais voilà, c'est pas la même chose ça que le match truqué. Hein, qui est une autre que tous les arrangements pour le coup avec l'économie du foot qui sont aussi extrêmement importants dans ce sport pourri jusqu'à la moelle par l'argent, quoi. Ici encore, là, il faudrait distinguer des formes de triche, quoi. Le match truqué, c'est pas la même chose que toutes les saloperies qu'un défenseur doit faire à un bon attaquant s'il veut s'en sortir, voilà. Mais c'est vrai que côté jeu en ligne, sur les compétitions, alors moi je suis pas un spécialiste de l'e-sport, je pense à mon expérience personnelle qui date maintenant de cette pratique là mais la triche était un phénomène, j'ai envie de dire, universel sur les grosses équipes. Et je me souviens de m'en être rendu compte en discutant avec des gens de ces grosses équipes qui nous disaient: mais quoi, vous n'utilisez pas les wallhacks? Ok. Effectivement, donc c'était là pour le coup, l'impulsion à la compétition avait totalement perverti le jeu, et le en ligne permet quand même de cacher énormément ses pratiques. Alors ça devient plus compliqué quand on est en tournoi. C'est vrai qu'il y a aussi ces conditions de visibilité. Comment on l'observe? Comment on la détecte? Oui, c'est tout l'enjeu aussi, j'imagine, des autorités de Las Vegas, parce que pour le coup, s'il y a bien un endroit où on a un œil averti sur la triche, c'est dans le milieu des jeux d'argent et des casinos, et qui pose et qui essaye de placer, je crois, il me semble, des limites assez précises sur le sujet, notamment du côté des martingales qui, techniquement, ne sont pas de petites manœuvres frauduleuses, puisqu'il ne s'agit pas d'enfreindre les règles, mais d'optimiser ses chances de réussir par des techniques raisonnées. Là, pour le coup, ça a été acté comme des... de la triche, il faut réussir à les identifier, ce qui n'est pas non plus de la première simplicité, mais pour le coup, définir ce qui est et ce qui n'est pas de la triche, effectivement, à partir du moment où on met de l'argent, où il y a des enjeux qui commencent à sortir de la propre partie, ça devient assez important, j'imagine. C'est vrai que ça, c'est un phénomène qui me semble extrêmement intéressant. Hein. On revient à cette idée de triche légale, c'est-à-dire que là, ce qui fait triche, c'est une certaine manière d'exploiter à son avantage les règles. Et donc, on serait dans une figure de la triche qu'on pourrait appeler la combine. Et sur les jeux de hasard et sur les jeux d'argent, la recherche de la combine, c'est tellement fondamental. C'est-à-dire cette idée que je peux avoir un petit avantage par rapport au bookmaker, que je peux trouver comme ça le savoir secret qui va me permettre d'optimiser les choses. Alors, j'ai plus la référence en tête, mais je me souviens d'avoir lu un papier extraordinaire sur un combinard, c'est-à-dire quelqu'un qui avait réussi à comprendre justement le fonctionnement d'un jeu télévisé et le caractère pseudo-aléatoire d'un générateur de nombres, et qui a réussi à faire une fortune sur cette partie de jeu télévisé aux États-Unis qui est complètement mythique, où le gars ne s'arrête pas, et ce sont les producteurs qui arrivent sur le plateau pour arrêter l'émission parce qu'il va, ruiner la banque, et il a trouvé une combine. Et alors il y a à la fois cette histoire, il faudrait que qu'on retrouve pour le podcast la référence, la vidéo de ce truc, parce que c'est assez extraordinaire. Et derrière, il y a toute l'histoire de ce gars qui n'a cessé de vivre comme ça, et qui a fini ruiné après avoir inventé, imaginé d'autres combinaisons sur d'autres jeux ou d'autres secteurs économiques. Ouais. Dans les deux cas, on est vraiment entre ça et ce que tu citais sur le fait de susurrer des mots doux lors d'un corner. On est effectivement dans une approche graduelle de la triche. Il y a la marge entre enfreindre les règles ou faire des choses qui vont avoir une influence sur les jeux, mais qui ne sont pas citées ou pas prévues dans les règles. Je ne sais pas si, quand on fait une partie de Scrabble, on passe le tour des autres à les insulter, j'imagine que ça doit les déconcentrer, alors que ce n'est pas formellement interdit par les règles. Oui, c'est même conseillé dans une scène pratique. Hein, ça. Et ce que je veux dire, c'est que là, tu retrouves effectivement peut-être que la question de la triche, c'est qu'est-ce qui rend le jeu injouable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la norme, c'est celle de l'interaction ludique partagée. Elle va être plus variable, cette norme-là. Qu'est-ce qui est admissible dans un groupe de joueurs pour que l'on joue, pour que ce soit jouable et que ce soit du jeu. Cette norme-là, elle est plus variable que les règles à proprement parler, avec les dont on peut s'accommoder dans la pratique des jeux. On revient à cette triche titillatio, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'est difficile de jouer sans en permanence aller toucher comme ça les limites de l'interaction ludique et de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Je reviens à des observations de joueurs. On a filmé dans un programme de recherche des joueurs de jeux vidéo en train de jouer. Voilà, on regarde ce que ça donne. Et je pense à une partie de FIFA filmée entre deux jeunes garçons. Et non seulement ils jouent à FIFA, mais ils passent un temps fou à s'insulter, justement, comme t'es joueur de Scrabble, et à se reprocher toute une série de choses. Alors tout y passe, hein. C'est la faute de l'adversaire, c'est la faute du jeu, c'est la faute de la manette, c'est la faute du code, c'est la faute de celui qui est à côté. Voilà. C'est aussi le maintien d'un état de tension qui est nécessaire au jeu et qui repose sur une forme d'amusement. Quoi. On va aller se moquer de l'autre. Et il y a aussi ces moments où ça va trop loin. Ça risque de déraper. À ce moment-là, on retrouve des adversaires communs. Ça va être la faute non pas de l'autre joueur parce qu'il est nul, du partenaire parce qu'il est nul, mais la faute de la malchance ou du netcode du jeu qui est pas bon, etc. Et donc là, en permanence, ils vont fluctuer entre plusieurs positions. Ça maintient un état d'émulation. cet énervement partagé, je sais pas comment dire, c'est pas un énervement, cette émulation partagée, voilà, et qui est aux limites de la, toujours aux limites de la du bon goût, c'est-à-dire qu'il y a des moments où l'un des deux joueurs lui dit à l'autre, mais arrête là, c'est pas possible, je vais sortir du jeu, quoi. Je peux pas continuer comme ça. C'est intéressant, ça me fait penser à une des règles qu'il y a en compétition, bah, au Stunfest notamment. Je crois que c'est pas changer de personnage plus de deux fois, je crois que c'est ça, ou appuyer sur pause. Enfin, il y a des choses comme ça où on lit. Donc techniquement, si c'est faisable, c'est que c'est légal. Si on peut appuyer sur pause, c'est que c'est légal. Si on peut changer de personnage, mais on pose une règle par-dessus une règle pour à inciter à un certain fair play en fait, et ce qui me fait penser que le fair play sera peut-être l'opposé du tricheur, non? Ah ben complètement, ouais. Si on se dit que le fair play c'est il faut maintenir l'égalité ou enfin l'équité, hein, c'est ça le fair play dans la partie, donc c'est maintenir le jeu. En même temps, il y a dans le fair play il y a ceux qui peuvent se permettre d'être fair play. Je sais pas, on n'a pas résolu la question, tu vois. Le fair play, est-ce que c'est pas une affaire justement, une certaine idée aristocratique du sport, où effectivement, parce qu'on est tellement dominant, on va respecter une sorte d'étiquette supérieure, et effectivement, on va reprocher à l'autre de simplement exploiter les règles et toutes les possibilités qui sont permises par le jeu. C'est ce que dit le tricheur, hein, dans une certaine forme de triche. Il dit mais je n'ai fait que respecter ce que le jeu permettait de faire. Ouais. Ouais, c'est plus une question ludologique, c'est une question éthique. Non, mais c'est, en fait, oui, je pense à ça parce que c'est, on peut dire, bah oui, je dans le cas du mathématicien ou de l'arnaqueur, je ne sais pas comment l'appeler, que tu as cité tout à l'heure, qui est le combinard, ouais, voilà. Le combinard. Bah, en fait, finalement, il n'a fait que qu'avoir juste une très bonne connaissance du jeu. On pourrait dire qu'il a été tout à fait, il a été bon joueur, il a été très bon, comme les gens qui comptent les cartes dans les casinos, bah c'est juste que ils sont très forts en calcul et ils ont une très bonne mémoire. Après tout, enfin, c'est pour ça, je pousse à l'extrême évidemment, mais c'est pour essayer de définir un peu quelle est la limite entre le très bon joueur, le performer, qui a effectivement une attitude très très précise, quasiment scientifique, de la crapule, du voilà. Ouais, très haut niveau, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est-à-dire que on ne gagne pas sans une forme de ruse et d'anticipation à la fois des réactions de l'adversaire et de la manière dont le système va fonctionner. C'est pour ça qu'il y a une zone grise. Mais dans le cas de l'élection. Ouais, autre chose. Est-ce qu'il y a des règles du jeu? Dans le cas de... où tous les coups sont permis. Dans le cas de notre combinard tout à l'heure, il est, en même temps, ça combine à une propriété, c'est-à-dire qu'elle en termine avec le jeu. Hein, le jeu devient impossible ou perd tout intérêt. Parce qu'il y a eu résorption de l'incertitude. Voilà. Mais on peut dire que le jeu était mal fait, en l'occurrence. Hein. C'est-à-dire le jeu n'était pas résistant à la combine. Ça ressemble à ce qu'on pourrait dire pour un programme par rapport au hack. Quoi. Donc il faut revoir, ici, non, pas tellement les règles du jeu d'ailleurs, ce qu'il faut revoir, c'est la base matérielle du jeu, c'est-à-dire le générateur de nombres aléatoires, hein, qui lui a permis de gagner ou d'emporter un avantage indu. Quoi. Mais est-ce que le jeu est... C'est ça peut-être qu'il faudrait se demander pour la triche. Hein. Est-ce que le... y a des triches qui augmentent le potentiel ludique. Pourquoi ils augmentent le potentiel ludique? Parce qu'il faut repenser à Kaiwa. C'est-à-dire que le ludique n'est pas uniquement dans le loup douce. C'est-à-dire dans la règle et dans le respect de la règle. Il y a du ludique dans le dérèglement. Dans ce qu'il appelle la païdia, qui est le pôle opposé de la règle. Voilà. Quand il cite des jeux de païdia, il va dire le vacarme, le chahut, enfin, les choses comme ça, quoi. Quand une partie de Scrabble part en camoulox, je pense qu'on est du côté de la païdia, et il y a un plaisir ludique absolument extraordinaire à glisser de ce côté-là. Donc je pense que les jeux aussi, on pourrait dire, ont des potentialités païdesques différentes, c'est-à-dire une ouverture au bordel et au dérèglement. Qui est une des définitions possibles de la triche. Et de l'autre côté, il y a cette triche qui tue le jeu, hein, qui le rend radicalement impossible, et avec lesquelles c'est là qu'on va dire c'est plus du jeu, quoi. C'est plus du jeu, c'est plus jouable, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà. Et puis si la triche c'est quelque chose qu'on peut facilement circonscrire dans le cadre de modalités de jeu de compétitif, enfin, pas forcément qui se joue en compétition, mais en tout cas joueur contre joueur, j'ai l'impression que ça devient très très vite plus compliqué quand on est en joueur contre jeu. Je pense aux jeux solo, et on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur tes pratiques abjectes de Dark Souls, ou en jeu coopératif, des choses qu'on peut trouver notamment en jeu de société, mais quelque part la problématique de Donjons & Dragons que j'évoquais tout à l'heure et du jeu de rôle de façon générale tombe un petit peu là-dedans. Alors ça va s'étendre sur plusieurs questions, mais commençons par le début. Si je joue à un jeu compétitif avec d'autres joueurs et qu'à un moment c'est trop dur, on dit bon, cette phase là on la saute, ou là on récupère plus de ressources que ce qu'on aurait dû, on peut facilement tous se mettre d'accord, parce que pour le coup ça va pas apporter un avantage à un joueur contre les autres, mais pour autant donc ça va moins peut-être casser ça casse moins la relation des joueurs entre eux. Ouais, c'est à mon avis, tu touches à un critère assez juste, c'est-à-dire que les formes de triche sont problématiques. Enfin, la triche devient de plus en plus problématique, on pourrait dire. Je suis à fond dans Kaiwa, j'arrive pas à me sortir de Kaiwa, mais preuve que ça permet de penser les phénomènes. Donc, on pourrait faire une sorte d'axiome, la triche devient problématique. Quand on est dans la zone, par exemple, pardon, de ce qu'il appelle l'agone, c'est-à-dire du jeu compétitif, de l'agonistique. Et pourquoi est-ce que c'est dans les jeux compétitifs agonistiques que la triche est un problème ? Parce que, en fait, la vraie définition de l'agone, c'est pas simplement la compétition, c'est de triompher par son mérite seul. Alors, effectivement, c'est autour de cette question du mérite seul que la triche devient un problème. Alors, dans du joueur contre joueur, mais aussi, en un sens, dans ma partie de Dark Souls, parce que l'abjection... Alors, c'est là qu'on voit toute la complexité du truc. Parce que d'un côté, quand je fais ce que je fais dans Dark Souls, alors je décris un peu ma pratique, c'est je suis à l'arc, couché derrière un petit muret, je fais venir le méchant, je lui enlève 2% de sa barre de vie, et puis je m'enfuis à toute jambe derrière un autre muret plus loin, le type s'en va, et ça me prend 15 minutes de le désinguer en enlevant 2% après 2%, ce qui est vraiment un truc d'une nullité affligeante. Et donc, par rapport à mon mérite personnel dans le jeu, effectivement, j'en ressors pas particulièrement grandi. Et en même temps, par un autre côté du jeu, c'est-à-dire j'en suis assez fier, quoi. Cette espèce de jeu de roublardise s'intègre pour moi dans une compréhension du monde et dans une sorte de jeu de rôle, là pour le coup avec Dark Souls, c'est-à-dire que je revendique cette espèce de médiocrité du personnage qui me semble assez bien collé aussi à l'univers. Donc on voit que selon les strates de mon jeu, cette pratique va recevoir des qualifications différentes. Mais alors, moi, tout le jeu n'est pas le mérite. Quoi. Moi, je faisais plutôt référence au fait que tu évoquais l'usage de walkthrough, donc de solus pour les vieux comme moi. Mm-hmm. Et je vais revenir aussi à la question des solus tout à l'heure, mais justement, l'usage de solus lors de ton avancée dans le jeu. Ouais, et là c'est vrai que du coup ça fait une expérience très très différenciée, parce que j'ai commencé les premiers Dark Souls, je n'ai pu y commencer qu'en regardant les guides vidéo d'Exerve. C'est comme ça que j'ai appris à jouer. Donc on est dans la solus qui m'a permis d'apprendre à jouer, parce qu'une des propriétés, je pense, de Dark Souls, c'est qu'une bonne partie des règles sont cachées. Et une bonne partie de la difficulté vient du fait qu'un certain nombre de règles sont cachées à l'intérieur du jeu. Il ne vous explique pas du tout comment ça marche, ou c'est dit de manière très très allusive. Donc il y avait cet usage de la solus, comprendre comment jouer, et repris quand même par cette norme du mérite individuel. Et là, de pouvoir se regarder dans la glace décemment après avoir fini le jeu, effectivement, j'ai réduit progressivement mon usage du walkthrough et de la solus, ne la conservant plus que dans les cas où j'étais coincé et je tournais en rond. Alors à ce moment-là, c'est effectivement cette triche qui va permettre... Le jeu devient injouable, j'arrêterais si je n'avais pas le guide qui me dit « Ah non, mais en fait, à tel endroit, il fallait faire ci pour débloquer tel truc que je n'avais pas vu sur le moment. » Mais il y a alors... Je comprends la question de Manuel et ta réponse, mais en fait, je suis pas sûr que Dark Souls soit le meilleur cas, parce qu'il y a une question de performance, de réflexe, etc. Un jeu de puzzle, quand on doit faire un puzzle pour passer à la suite, t'es bloqué ou t'es pas bloqué, quoi. Et là, tu triches ou tu triches pas, la limite est beaucoup plus claire, alors que Dark Souls, il y a un côté un peu de hasard, de performance, de réflexe, etc. Oui, c'est vrai que ça ne va pas me donner l'ensemble de la solution. Il va quand même falloir l'implémenter et donc arriver à avancer dans le niveau par rapport au jeu de puzzle. Mais moi, je triche énormément en ce sens-là. Mais est-ce que je triche je suis nul. J'aime bien les jeux d'aventure en point and click je suis en même temps un traumatisé du jeu d'aventure en point and click parce que je l'ai joué gamin à une époque où il n'y avait pas Internet et où ces jeux, je les finissais jamais, bordel. Je suis resté coincé. Zach McCracken et je ne sais pas quoi, là, je te déteste encore aujourd'hui. Donc, effectivement, je trouve une vraie libération à pouvoir cesser de tourner en rond dans ces jeux-là aujourd'hui. Donc là, on voit bien que si par un côté, on va se dire qu'il y a triche, diminution du mérite individuel, encore une fois, par un autre côté, c'est ce qui rend le jeu jouable. Oui, parce que tout à l'heure, tu évoquais le fait que la triche, le moment où elle devient problématique, c'est le moment où l'expérience de jeu devient intenable, ouais. Notamment dans le cas de jeux compétitifs. Bah, là, pour le coup, elle a une fonction complètement inverse. Elle sauve le jeu. La triche sauve le jeu. Éloge de la triche. Et puis après, on trouve aussi des zones grises. Si effectivement, je fais un point and click avec quelqu'un qui m'aide, est-ce que je triche si c'est quelqu'un qui m'aide à trouver les solutions? Et est-ce que c'est le même degré de triche s'il a déjà fini le jeu ou s'il ne l'a pas encore fini? Parce qu'on s'y met quand même à deux cerveaux, là où logiquement c'est fait pour. Hein. Ouais, quel dommage ce serait de qualifier cette pratique-là de triche, quoi. Alors que c'est une des choses les plus belles qu'on peut faire en jeu vidéo que de collaborer, de coopérer, de... effectivement de se dire va dans telle direction où j'ai vu ceci que tu n'avais pas perçu. C'est comme ça que ça se passe quand on joue à plusieurs, voilà. On jouait au Zelda hier avec les gamins, c'est comme ça que marche la session. C'est-à-dire que c'est le seul moyen d'ailleurs pour qu'il y ait un jeu partagé, y compris par ceux qui n'ont pas la manette. C'est-à-dire qu'on on va vraiment s'entraider et guider celui qui guide le personnage à plusieurs. Est-ce qu'on triche en faisant ça? On joue ensemble en faisant ça, quoi. C'est pour le coup le cœur de l'activité de jeu qui serait interdit et abîmé si on considérait ça comme une activité de triche. En tout cas, c'est pas les mêmes pratiques si on a déjà fini le jeu et qu'on connaît déjà les solutions, ouais, aux problèmes qui vont se poser aux joueurs, ou si on est en train de chercher ses côtés, j'imagine. Oui, alors celui qui connaît déjà, qui guiderait l'autre, c'est une pratique traditionnelle aussi d'échange autour des jeux, hein. Il faut arriver à les résoudre et donc on se donne des conseils. Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ah, tu es bloqué là, voilà. Conseils de cours de récré et autres, ça s'apparente, il me semble, là, au mécanisme de la soluce. C'est-à-dire c'est une soluce socialisée dans laquelle on se donne des conseils. Et on retrouve en même temps, c'est ça qui est pas mal, hein, cette histoire-là, parce qu'on voit bien que il faudrait faire une cartographie de ce qu'on appelle triche, là, de ce panorama de la triche élargie. Mais ce genre de soluce où on se donne des conseils, ça peut vite s'approcher de la combine dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, mais par exemple, Exerve m'a appris dans les premiers Dark Souls, ou dans le second, enfin dans le deuxième, à farmer, par exemple. Il y a des zones où tu peux obtenir un avantage quand même en répétant les mêmes actions à la limite du jeu. Donc le conseil peut être aussi un conseil qui porte sur la combine. Il faudrait les isoler, ces formes-là. Bah oui, écoute, on exploit, te laissera la main. Optimisation, ou... cheat code, combine. J'aime bien la combine, franchement. Bah, écoute, le savoir secret des initiés. Et ça fera, ouais, ça fera un sujet. Parce que même dans la Solus, il y avait ça, quoi. T'avais le guide de Solus, quand même. Bah oui, évidemment. Moi, j'ai jamais eu de guide de Solus, mais il y avait ceux qui avaient le guide de Solus, quoi, qui étaient quand même des sacrés cadors. Parce que ils détenaient un savoir secret sur les systèmes de jeu, quoi. Et c'est pour ça que je faisais référence à la Solus. J'y trouve un vrai parallèle avec le walkthrough maintenant, qui est une forme, ouais, plus vidéo, mais souvent. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de effectivement se faire expliquer comment se déroule le jeu, qui est quand même très très propre au jeu qu'on appelle JCE, donc joueur, ouais, contre event. Mais tu vois, sur la Solus, c'est des choses dont on discutait. Je crois que c'est une idée de Colin Cidre, parce que dans un programme de recherche, on travaille sur la presse jeux vidéo et sur l'importance à un moment donné de ces guides de Solus dans les années 80. Et il faisait remonter toutes ces pratiques qui consistent à lire des guides de Solus. Et moi, ce que je faisais pas, parce que je n'en avais pas, mais apparemment beaucoup de gens lisaient les guides de Solus. Et ce que disait Colin, et qui me semble très très très très intéressant, c'est que d'un côté, c'est super proche au fond de ce qu'on voit dans un let's play. C'est-à-dire que c'est la pratique qui a précédé le let's play. Tu ne pouvais pas jouer, et donc tu as une forme de jeu, en tout cas dans une des possibilités du let's play, par procuration. Tu vas regarder quelqu'un qui maîtrise d'ailleurs pas trop mal, jouer à ta place, et en même temps, tu peux te mettre à la place de celui qui joue. C'est-à-dire il joue à ta place, mais tu peux parfaitement se projeter à sa place, parce que le let's play, d'ailleurs, comme la Solus, comme le walkthrough, raconte le jeu, non pas au niveau de sa strate narrative, non pas au niveau de ses images, mais au niveau des actions de jeu. C'est-à-dire, tu vas ouvre telle porte, fais ceci, fais cela, et quand les images sont mobilisées, c'est parce qu'elles donnent des indices sur ce qu'il faut faire à l'intérieur de l'action de jeu. Donc, si à la fois la Solus, on pourrait dire que c'est de la triche parce que ça donne une aide indue, et en même temps, c'est le jeu idéal tel qu'il devrait se dérouler pour un joueur qui réussirait toutes les interactions. Il y a aussi quelque chose comme ça. C'est marrant parce que ça m'évoque des souvenirs d'enfance. Alors moi, c'était pas les Solus, moi c'était les bouquins juste de code, juste de cheat code, ouais, aussi qui se vendaient beaucoup. Ah oui, oui, oui, oui. C'est un autre commerce. Mais il y a un truc de rêver, non, mais de rêver effectivement à tout ce qu'on va pouvoir faire avec le exactement, cheat code. C'est tout à fait ça. Mais je voulais revenir justement à cet aspect Solus et bouquins. Moi, je sais que dans ma pratique personnelle, il y a un site que je consulte de temps en temps, c'est biendébuter.net, qui est fait par les gens de Canard PC. Et en fait, eux, leur principe, c'est qu'ils te donnent les mécaniques globales, ils t'expliquent voilà, quelles sont les stratégies toujours efficaces, mais en tout cas, qu'est-ce qui marche bien. Et je sais que j'étais très satisfait de ce qu'ils avaient fait pour le jeu Hearthstone. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent un deck de base qui est solide, qui te permet de tester et qui en fait va t'apprendre les mécaniques de jeu. Donc, c'est marrant parce que. Trucs et astuces, voilà, ça donne les trucs et astuces comme le souffle manuel. Et ouais. Je trouvais ça intéressant puisque c'est eux. Leur démarche n'est pas d'expliquer, de faire un peu à notre place ou de donner un avantage démesuré, mais justement de bien débuter. Ouais. Oui, c'est ça. On est dans cette idée de profiter au mieux du jeu et dans les meilleures conditions du jeu. C'est-à-dire qu'on améliore, on pourrait dire que ça améliore la jouabilité du jeu et que ça correspond aussi peut-être à ce qui pourrait être perçu comme des défauts de Hearthstone, c'est-à-dire un système de jeu pas facile à appréhender au point de départ et dans lequel on va faciliter l'apprentissage par le guide. Après, c'est aussi une manière de jouer très très très très située, quoi. C'est-à-dire que ce bien débuter fonctionne dans une logique de joueur performance, quoi. Qui sait qu'il y a des choses qu'il ignore et qui veut jouer aussi dans une logique d'amélioration, voilà, individuelle. Ça, et c'est du jeu compétitif, on est en plein là-dedans. Oui, pour le coup. Alors moi, ma démarche, c'était juste de découvrir un jeu de cartes, parce que je suis pas du tout habitué aux jeux de cartes. J'ai un copain qui a essayé de m'expliquer la méta de comment ça s'appelle, des cartes Magic. Je n'ai jamais compris. Et alors, il tente à chaque fois que je le croise. Et du coup, je me suis dit, Hearthstone, ça a l'air peut-être plus simple. Et là, bon, j'ai pas tout compris à ce qu'a raconté ce site. Mais en tout cas, je me suis fait un deck de base qui a tourné la route. Maintenant, je me fais défoncer tout le temps, mais... Ouais, donc ça atteint ses limites quand même. Toujours dans la recherche de performance et d'informations complémentaires, c'est assez propre aux jeux vidéo, je pense que c'est plus difficile à trouver ailleurs, mais il y a aussi la pratique qui consiste à aller voir dans le code même du jeu, ouais, pour tirer des informations dont on dispose, après tout c'est le jeu, mais pour laquelle il faut des connaissances, des savoir-faire, des outils spécifiques hors même de la pratique elle-même du jeu pour pouvoir tirer des informations particulières. Ça, c'est une pratique qui ne peut émerger que dans le jeu vidéo. Elle n'existe pas dans les formes ludiques antécédentes, puisque pour le coup on n'a pas cette notion de règle invisible. Oui, c'est vrai qu'il y a des règles invisibles du système. Alors, dans ces logiques compétitives qu'on va chercher à exploiter. C'est comme ça que ça fonctionne. On va essayer de comprendre. Je sais pas, c'est le travail de théorie crafting, comme on disait pour les jeux de rôle en ligne, mais qui dépasse le simple cadre des jeux de rôle en ligne. Enfin, je me souviens de pratiques compétitives du FPS où on avait les gens faisaient expérimentalement du calcul des aires de dégâts des armes et toute une série de tests empiriques. Voilà, on est tu dis que c'est accessible, mais la plupart du temps c'est caché. Alors soit on y accède parce qu'on est capable de récupérer le code d'accéder au code, mais c'est quand même difficile dans l'immense majorité des cas. Soit on le fait par une forme d'expérimentation raisonnée, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup lu des guides où à chaque patch de WoW les gens allaient recalculer les dégâts de ceci ou de cela et faire des probas pour arriver à trouver la combinaison optimale. de ce point de vue-là, oui, on est dans ces... C'est une pratique d'optimisation. Je veux dire, quel élu avec le code ou pas le code, est-ce si différent? Finalement, ça se rapproche de la combine dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une fois que ton combinard a réussi à résoudre la séquence de chiffres et leur facteur apparemment aléatoire, il arrive à optimiser sa pratique. En l'occurrence, dans les jeux en question, qui étaient plutôt des systèmes bien réglés, enfin, tout le travail des game designers est d'éviter la combine, c'est-à-dire la possibilité d'une combine et de quelque chose qui aille foutre en l'air le jeu parce qu'il y aurait une carte ou un élément qui l'emporterait sur l'ensemble des autres. C'est aussi, alors ça, c'est des choses qu'il faudrait aller creuser. Moi, c'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai vu passer des talks, enfin des confs des gens qui font justement le game design des cartes dans Hearthstone ou dans les jeux type Clash Royale, voilà, avec tout ce travail de comment est-ce qu'on maintient un système de jeu intéressant. Et une des façons de dérouter quand même la combine, c'est d'obliger régulièrement les joueurs à revoir leur stratégie en introduisant de nouveaux sets de cartes et en modifiant de manière régulière l'équilibrage du jeu pour que tout le monde ne se retrouve pas sur une seule et même solution, parce qu'il y a aussi ça dans la combine. Si elle se diffuse, eh bien le jeu perd son intérêt. Après, on peut se demander quelle est la part de jeu dans ceux qui recherchent la combine aussi, c'est-à-dire est-ce que c'est pas déjà joué que de faire toutes ces expérimentations. Enfin, dans ma pratique, moi, du FPS compétitif, on passait plus de temps à analyser les vidéos de nos parties et les replays et à tester aussi des exploits, c'est-à-dire des manières de se fabriquer des avantages à partir du système qu'à jouer. Hein. Et puis j'imagine que tricher même sans se faire prendre tient quasiment de la pratique ludique en soi, c'est-à-dire que on peut facilement parier que un joueur qui triche et qui veut pas se faire prendre doit avoir un feeling assez proche de quelqu'un qui se fait un niveau sur TIFF. Oui, c'est ça. Il y a la discipline. On retrouve la ruse, hein, et peut-être là une manière effectivement d'aller jouer avec le danger, parce que tricher sans se faire prendre, encore faut-il qu'il y ait la possibilité de se faire prendre. C'est-à-dire que là, on est dans une forme de triche qui sera détectable, et donc on va jouer avec les limites de la norme, peut-être quelque chose de l'ordre du trolling. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On réintroduit du dérèglement, de la païda, et c'est comme si on injectait de la ludicité, peut-être dans une pratique qui est devenue trop routinière. J'ai aussi vu ça, moi, dans les pratiques de joueurs, c'est-à-dire on joue tout le temps au même jeu, au bout d'un moment on en a ras-le-bol, et puis parmi les parties sérieuses et compétitives, on met des parties de grand n'importe quoi, où effectivement on va utiliser glitch, cheat, texture modifiée, et tout ce qu'on peut pour transformer tout ça en un vaste bordel. J'étais en train de réfléchir à de la triche que j'ai pu observer, et en fait j'ai un cas où c'est pas vraiment de la triche, c'est plus un exploit, mais c'est devenu la règle. C'est le cas du rocket jump dans les jeux de tir. Ouais. Le rocket jump, pour expliciter un petit peu à ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai un lance-roquette, je tire à mes pieds, la déflagration m'envoie tellement voler en l'air que je fais des grands bonds géants, ce qui me donne peut-être accès à des zones imprévues, enfin qui n'étaient pas prévues. Ou voilà. Et c'est vrai qu'on a vu, je pense notamment au jeu Team Fortress, où on a un personnage qui est quasiment spécialisé là-dedans, il a directement l'arme qu'il faut, il est optimisé, il a les points de vie suffisants pour survivre à ça. Et autre cas, encore dans Team Fortress, c'est le cas de l'espion qui peut se camoufler dans un personnage ennemi qui à la base était un bug du premier Team Fortress. Ah ouais, ça ne savait pas, tu vois. Ouais. Et ce qui a été institutionnalisé avec, voilà, maintenant on a le spy qui fait ça. Et du coup, la question, c'est ouais, comment ça se gère la triche qui devient la règle, ouais. Comment ça se passe, quel glissement se fait? J'ai l'impression que dans tes deux cas, Rocket Jump et puis le bug du spy, c'est deux évolutions du jeu qui demandent du skill, qui demandent de l'habileté et qui donc ne menacent pas la gonne, qui ne menace pas le triomphe, la victoire par son mérite. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je me souviens de l'histoire du Rocket Jump me rappelle les parties de Battlefield 1942 où à un moment donné quelqu'un découvre que on peut monter sur les ailes de des personnages ordinaires peuvent monter sur les ailes de l'avion, notamment en début de manche, et donc il faut développer un skill assez important parce que si tout le monde saute sur les ailes de l'avion et se met à ramper en même temps dans une espèce de danse bizarroïde qui ressemble à rien sur les ailes, et ben on peut aller très vite sur les drapeaux parce qu'il faut prendre des drapeaux et beaucoup plus vite qu'avec tous les autres moyens de transport qu'on a minutés. Donc à un moment donné, effectivement, on voit dans les parties en ligne des équipes entières de parachutistes qui se frottent sur les ailes de l'avion pendant les 15-20 premières secondes pour arriver au flag. Cette pratique-là n'était pas du tout destructrice, enfin encore que, mais parce qu'elle demandait, quand même une certaine habileté, alors bien moindre que le rocket jump, j'ai envie de dire, dans les timings. Et donc, elle pouvait s'inclure dans l'horizon du jeu. Si le rocket jump était no skill, est-ce que ça aurait un quelconque intérêt? Et sur le cas de l'espion, on rejoint quand même. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on rejoint cette polarité de la triche qu'on décrivait juste avant, c'est-à-dire ne pas se faire prendre. C'est-à-dire que je pense que les gens qui jouent Spy dans Team Fortress sont des monstres, hein, dans la vraie vie. Moi, j'ai toujours perçu. Enfin, l'espion, c'est un truc qui fait absolument rager quand on se prend ce coup de couteau dans le dos. En plus, il plante un couteau dans le dos, là, je crois, la plupart du temps, dans l'espion. Donc, c'est atroce, quoi. C'est assez atroce. Donc, dans cette manière de jouer, effectivement, c'est comme si c'était institutionnalisé dans cette manière de jouer. Ils avaient su récupérer de manière élégante et sans détruire le jeu. Cette forme de triche qui fait rager, quoi, parce que c'est dégueulasse, quoi. Là, l'impression d'injustice quand on se prend un coup de couteau par l'espion est monumentale. J'ai l'impression que la pratique de triche, ça provoque aussi de l'émotion assez fortement, que ce soit chez le tricheur ou chez les autres. Là, on était en train de rire en imaginant tes équipes de parachutistes danseurs, mais je pense que les premiers rocket jump qu'on a pu voir, les uns et les autres, ont pu provoquer aussi une certaine forme d'hilarité parce que ça pousse à des comportements un peu surprenants, que ce soit dans le rire, l'admiration ou l'énervement quand on est l'adversaire en particulier. Ouais. Là, sur les cas dont on parle, c'est la dimension du grotesque, hein, qui est sans doute la source du rire, parce que le fait d'exploiter un truc qui n'est pas prévu, notamment non seulement par les règles du jeu, mais par le moteur physique, va souvent faire que le personnage va avoir des comportements effectivement un peu louches. Et c'était le cas de nos parachutistes. Donc là, effectivement, ça s'inscrit par une forme d'inélégance. Et c'est peut-être ça qui manque d'ailleurs. On perd quelque chose du charme de ça quand ça devient intégré au jeu. C'est-à-dire que le rocket jump devient quelque chose de modélisé dès le départ et de prévu dès le départ. On perd le grotesque du bug, ouais. Ou de l'exploit. Une dernière question, parce qu'on arrive tranquillement à une heure de podcast sur une dernière question concernant, j'imagine qu'Adrien en a encore quelques-unes en réserve. Je voulais qu'on s'arrête sur la triche par inadvertance, chose qui arrive probablement rarement quand on joue avec des machines, mais autant vous dire qu'en tant que rôliste, notamment parce que les volumes de règles sont assez importants pour notre petit cerveau, mais ça arrive aussi en jeu de société où, incidemment, comme la transmission des règles se fait assez régulièrement de façon orale, il peut y avoir des déformations, des transformations. Est-ce qu'on rentre dans la triche par inadvertance si on rend le jeu plus facile ou qui avantage plus un joueur parce qu'on a ignoré une règle mais sans vraiment le savoir? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le hack? Est-ce que le hack c'est une forme de triche? Enfin, voilà, je me pose des questions à ce sujet. Est-ce qu'on peut, la première question qu'il faut se poser, je crois, c'est est-ce qu'il est possible de tricher par inadvertance? Est-ce qu'un tricheur qui s'ignore triche? Ça semble, disons, du point de vue du game, oui, on va dire, tu n'as pas respecté la règle, mais du point de vue du joueur, lui s'ignore en tant que tricheur. Donc je pense que c'est du point de vue de l'attitude ludique, c'est difficile de considérer ça comme une forme de triche. Quand tu parles de triche par inadvertance, qui est plus rare dans les jeux vidéo que dans les jeux traditionnels, parce que sur ton argument, c'est que la règle étant prise en charge par la machine, il faut bien faire avec, alors que quand la règle est prise en charge par les êtres humains, on peut l'oublier, on peut éventuellement la modifier sans y penser, etc. Je suis pas si sûr, parce que toujours dans ces parties de jeux filmés et ces joueurs en train de jouer, hein, qu'on a observé dans le programme de recherche qui s'appelait Nuit d'espace, on voit beaucoup ça, enfin on voit beaucoup de... Alors est-ce que c'est de la triche par inadvertance? Ce qu'on voit, c'est que les joueurs ont quand même beaucoup de mal à jouer le jeu, et que on voit des joueurs qui tournent en rond, qui se tapent contre des caisses pendant de longues minutes, qui ne trouvent pas la solution. Et une des séquences les plus emblématiques qu'on a, hein, qui est magnifique, donc c'est vraiment un joueur qui est en difficulté, mais qui a une résilience considérable face à ça, face à l'ennui, face au fait de tourner comme un demeuré autour de la même caisse sans comprendre ce qu'il faut faire pour activer l'interrupteur dans un Lara Croft. Et au bout de, je sais pas, 5, 7 minutes comme ça, très longues, où il fait rien, enfin il fait rien, il n'arrive pas, quoi, il va réussir un saut, et par un espèce de glitch, pour le coup littéralement, se retrouver téléporté de l'autre côté de la falaise, en gros, qu'il devait traverser. Et là, il y a un moment superbe, quoi, on voit qu'il y a un moment de triomphe, il est super content d'avoir réussi. Ce joueur, hein, mais il ne sait pas pourquoi. Et ça, tu vois, quand on regarde cette vidéo avec les collègues, on se dit c'est un affect de jeu vidéo qui est bien plus fréquent qu'on ne pense. D'avoir réussi, et puis souvent dans les jeux vidéo il y a une gratification, c'est-à-dire que tu vois, tu fais des toutes petites actions sur la manette et le personnage fait des choses formidables, il y a ce décrochage entre le corps du joueur, le corps jouant, le corps joué, et le corps joué, celui de l'avatar, fait des choses formidables, c'est toujours un festival de beauté qui contraste avec le grotesque dont on parlait tout à l'heure. Et donc là il est super content, il y a toutes les gratifications du jeu qui lui disent qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, qu'il est un joueur superbe. Et il ne sait pas pourquoi, c'est pas déplaisant en fait. C'est et combien de fois dans les jeux vidéo on y arrive sans trop savoir pourquoi? Ouais, c'est vraiment le phénomène du casse-tête qu'on résout sans méthode, ouais, particulière, et pour lequel on est bien embêté quand il s'agit de le remonter, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une forme de... Comment dire, ça se fait par accoutumance, ça se fait par répétition gestuelle, et c'est très très différent d'un savoir formalisé de ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, si on lui avait transmis le savoir formalisé de ce qu'il aurait fallu faire, je ne suis pas sûr que le joueur aurait réussi la séquence, parce que ça demande de l'habileté, de la manipulation qu'il n'avait pas forcément à ce moment-là. Mais ouais, on comprend rarement tout quand on joue. Donc qu'il y ait des choses qui nous échappent, alors là en jeu vidéo autant, peut-être sinon plus, parce qu'on est en interaction avec la machine qu'avec d'autres joueurs. Alors on arrive vers la fin du podcast, et moi justement il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, et je pense que ça va te parler, c'est comment on arrive à mettre Sochaux champion en L1? Est-ce que c'est de la triche? Parce que je crois que tu as réussi à faire ça sur Football Manager. J'y arrive que dans Football Manager, mais dans Football Manager, un jeu... Non, il n'y a pas besoin de tricher. Moi, je ne triche pas dans Football Manager. Je ne vais pas chercher les... Qu'est-ce que c'est que tricher? Enfin, je dis je ne triche pas. Et puis, évidemment, je pratique comme tout le monde le reset de match. C'est-à-dire qu'on n'est pas content du résultat et on le relance dans un état de frustration extrême. Et on rage quitte au bout de 3 défaites contre un club supérieur, parce que c'est quand même dégueulasse. Mais comment on y arrive? Non, on suit quand même les règles, le système du jeu, mais Sochaux en L1, c'est vraiment fastoche. Mais non, mes exploits, c'est Colomier en Ligue des Champions, quoi. Donc, presque. Et comment on fait? Je comprends pas. Eh bien, on y passe à peu près, je sais pas, au bout de 10 000 heures, tu vois, quand tu atteins l'année 2072. Ça se passe mieux. Non, mais le jeu est facile en fait. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que c'est encore un jeu opaque, quoi. Football Manager, il me semble, c'est ça qui le caractérise. Il y a une sorte d'opacité des systèmes, parce que le feedback de ce que tu fais est toujours très contourné. Donc d'abord, il y a une part d'aléatoire, je pense, dans les mécaniques. Et ensuite, tu vois pas les effets tu vois de manière très indirecte les effets de ce que tu fais. Par contre, une fois que tu as compris, je pense, quelques régulations de base, hein, faut pas, essayons de pas les appeler règles, parce que c'est pas des règles du jeu, mais quelques stratégies de base, ça marche à tous les coups, quoi. Oui, c'est la combine, en Est-ce fait, que quoi. C'est la combine? Ouais, non, parce que c'est plus des règles. C'est pas la combine. Si pas, c'était monsieur. Une combine, non, mais si c'était combine, tu vois, c'est que je. j'exploiterai des petits éléments du jeu à mon avantage. Je retournerai des règles comme ça à mon avantage. Là, on est dans la stratégie. Tu as une ligne d'action que tu suis et qui grosso modo te conduit à un résultat satisfaisant. J'ai pas réussi à exploiter le jeu au sens où je trouverais une combine. Ouais. Et donc, du coup, si j'avais réussi à exploiter le jeu et j'aurais trouvé une combine, le jeu s'arrêterait pour moi. Dans Football Manager, quoique ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais j'aurais. Enfin, non, il faut pas que j'y joue. C'est ce que nous disent tous les joueurs de Football Manager, étonnant. Ne touchons pas à la drogue, ouais. Bon, et bien on arrive au bout de cette heure de podcast qu'on a même légèrement dépassé. On a une question cette saison pour finir, je ne sais pas si c'est en beauté, ouais, mais en tout cas en intimité, on va dire, puisque nous avons comme tradition de demander à nos invités quelle a été leur dernière expérience, enfin pas leur dernière, de citer une expérience de jeu forte, importante pour eux, avec ou sans triche, bien évidemment. J'ai parlé du Dark Souls, c'est le truc qui me marque forcément en ce moment. Fini le 3, je crois, hier. Et c'est un jeu c'est un des rares jeux, je pense, où il y a quelque chose de l'ordre du sublime. Voilà. Parce que par le rapport à l'espace, par le rapport aux environnements, c'est vraiment une expérience incroyable. Et aussi par ce sentiment que j'évoquais tout à l'heure d'être écrasé par le jeu. Parce que écrasé visuellement, parce que les environnements sont gigantesques et qu'on est tout petit, écrasé littéralement, parce que le marteau du boss vous réduit en bouillie. Donc ce mélange, quelle réussite incroyable, quoi, que d'arriver à ce mélange de terreur, d'admiration. Voilà, c'est pour ça que le mot sublime vient, c'est-à-dire l'idée qu'on est débordé au niveau des sensations et des perceptions par ce qui nous est proposé. Je trouve que c'est des jeux extraordinaires et pour le coup, ça en rejoint notre sujet, c'est-à-dire sans les guides, jamais je n'aurais réussi à rentrer là-dedans. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour tes réponses, pour toutes ces petits débuts de recherche sur des questionnements qui nous travaillent depuis longtemps effectivement avec Adrien sur la présence et l'usage de la triche dans les jeux et sa fonction. On vous laisse réfléchir là-dessus, que vous soyez des combinards, des tricheurs ou des joueurs qui respectent absolument les règles ou encore des auteurs de petites manœuvres frauduleuses. Et puis, ça vous laisse 15 jours hein, pour réfléchir tranquillement à ça, faire le point sur vos pratiques ludiques, savoir si vous êtes des gens réglo ou pas. Mais à nouveau, on ne vous juge pas, tout comme Mathieu. Et puis on se retrouve pour le prochain numéro. Voilà, ça vous laisse 15 jours pour jouer, pour tricher ou pour ne pas tricher. Bonne quinzaine.